Document 2, page 8. Tu connais la nouvelle ? Non. J'ai peut-être trouvé du travail. Ah bon ? Oui, dans le journal, dans les petites annonces. Regarde cette offre d'emploi. Société nationale, cherche agent commercial diplômé, bilingue anglais, pour son agence de Toulouse. Bonne présentation exigée, débutant accepté. Et alors ? Et alors j'ai envoyé mon CV. Et j'ai rendez-vous pour un entretien lundi, dans le bureau de la société à Paris. Mais comment tu vas faire si tu as le poste ? Si j'ai le poste, je déménagerai. J'irai à Toulouse. Toulouse ? Si je vais à Toulouse, je serai plus tranquille. Mes parents ne seront plus toujours derrière moi. C'est vrai, mais qu'est-ce que tu feras toute seule à Toulouse ? J'espère que je ne vais pas rester toute seule. Si je travaille là-bas, je rencontrerai sûrement beaucoup de gens. Et puis, j'aurai un appartement à moi. Et si tu prends un appartement, je pourrais venir te voir ? Bien sûr, tu viendras tous les week-ends si tu veux. Et tu sais combien tu vas gagner ? Ça, je ne sais pas encore. S'ils m'embauchent, je demanderai.